Mais il reste un contrôle au niveau de l'information. Il n'y a pas encore le contrôle de parler corps, par exemple. Ben, on Mais s'en va comme. vers ça. Si on pense Ouais. au Neuralink, Ben, c'est ça qu'ils veulent. ben, c'est ça, je vais l'en venir, mais je veux quand même l'expliquer pour les gens qui nous écoutent. Elon Musk, présentement, travaille à développer le Neuralink, qui fait penser au mot neurone, c'est-à-dire l'idée de connecter le cerveau en interface cerveau-machine à un réseau informatique qui fait que, par exemple, en temps réel, tu recevrais des notifications dans ton cerveau d'informations qui viendraient du système. Et on ressemblerait un petit peu, là, ben, c'est une vision caricaturale, mais quand même qui veut vous donner un aperçu des Borg dans Star Trek qui connaissent des mises à jour en temps réel en fonction du collectif de Borg, une espèce d'intelligence universelle. C'est parce que ça, on remplace l'homme par la technologie. Ben, c'est le rêve des transhumanistes. Quelqu'un qui est matérialiste pur va dire que l'homme n'existe pas, c'est une fabulation de l'individu spirituel. Donc, pour lui, tout est matière. Donc, il va chercher à quelque Ben oui, part mais tu à s'investir oui, massivement dans le développement de la matière parce qu'il va voir que c'est sa planche de salut, entre autres pour l'humanité, pour son immortalisation, à travers du téléversement de ses souvenirs dans des banques de données qui va lui permettre d'une façon, à travers l'informatique, de s'immortaliser, dans le sens que si ce que tu fais, tes vidéos sont pour l'éternité sur le web ou un support, ben, d'une certaine façon, tu deviens un immortel. C'est ça, mais aussi. c'est.